très souvent vers le rivage, dans d'inoffensifs pâturages. Mais dans ces terres oubliées, méfie-toi, ici la consanguinité fait loi. Dans ce bourbier où rien ne bouge, le ver peut rapidement tourner au rouge. Tu roules sans te soucier des forces du mal. Après tout, c'est moins pire qu'un redressement fiscal. Et c'est la torpeur dans l'heure où la seule distraction est le bruit des tracteurs. C'est charmeur, mais sur la route de Louvier, il n'y a plus de cantonniers. Et parmi les crevasses du macadam, gît la carcasse de Talogan. La nuit qui tombe, les hurlements malsains ne te remplissent pas d'entrain. Au loin, les lumières de ce manoir ne rient pas forcément avec espoir. Tu cours poursuivi par les forces du mal qui veulent t'administrer un lavement anal. Mais c'est la terreur dans l'heure où personne à son bord ne t'entendra exprimer ta peur. Et dans ton slip changer de couleur. C'est la terreur.